mec, faut que je tire des faces. Marmé de punch qui se démarque, péter le mic quand le beat démarre. J'ai char de rime, le Smith et Wesson. Pour que dans le crâne des missiles des hommes, les sons glissés résonnent. Immiscé c'est le désordre, grâce aux mots aux phrases. Ces salauds m'auront pas, consonne pas nos propos, veulent vendre au rap d'amour au rat. Trafiquant d'art de rue, je dégaine le 16 ou le 12 qui calme. J'suis pas une bête de scène, mais celui qui bouge, il canne. Pas besoin de gun pour que vous leviez les bras. C'est un hold up, lyrical, faut foutre le feu au minima. Beaucoup négligent à 7 heures le pouvoir des lettres et de voir que tout s'accélère une fois que l'on touche à ses rêves. C'est pour ça que je me lève, la fleur au fusil fané. Pour pas faire partie de ceux qui prient pour quitter l'usine cette année. Les mots sont des armes, frérot lâche les flingues à tous des zincs. Là où nombreux sont les larmes. On m'a dit vas-y tire, tire. J'ai pris le mic et j'ai rappé ce que j'ai à dire, dire. Parce que les mots ont plus de poids que les armes. Kamikaze combat. On m'a dit vas-y tire, tire. J'ai pris le mic et j'ai rappé ce que j'ai à dire, dire. Parce que les mots ont plus de poids que les armes. Puisque la parole est une arme, avec mes mots je ferai la guerre. Lâcherai des rimes en guise de bombe jusque dans vos gares. Écoute, bah ouais, c'est gore. J'écris comme si je coupais des gorges. Mon stylo pleure et de sang dégorge. Dans plus de sang décor, la pression je la fais monter. Les mots, les armes, j'en fais mon thème. Dans chaque journal intime, frérot, y'a beaucoup de larmes, ouais, qui coulent en fontaine. Un peu tout paria, du bleu, mais pas cette claire fontaine. Ok, faites sonner l'alarme, c'est parti pour faire la guerre avec des mots. Sortez plus vos guns pour la faire avec des mobs. Non, c'est pas les chaînes, mais des carreaux qu'on brise. Quand tu refuses l'échec, même si nos vies sont grises, explicites. Lyrics explosifs comme l'azote. Zut, parfois tout nique et j'hésite. Pourquoi la chance m'enfuit? Qu'est-ce que j'en sais? Sous le poids de ma plume, faudrait quelques gens cèdent. Bah ouais. On m'a dit vas-y tire, tire. J'ai pris le mic et j'ai rappé ce que j'ai à dire, dire. Parce que les mots ont plus de poids que les armes. Kamikaze combat. On m'a dit vas-y tire, tire. J'ai pris le mic et j'ai rappé ce que j'ai à dire, dire. Parce que les mots ont plus de poids que les armes. Pas besoin de gun, vu que les mots sont mes seules armes. L'ami, j'écris ce texte, l'alarme à l'œil. Je tremble, j'ai peur qu'un jour tout ça se finisse. Y'a trop de problèmes dans nos vies, de violence quand vient la nuit. Moi, je suis Yves quand je trouve une face qui devant le mic fusille. Je fais la guerre avec un pic, une feuille, un peu d'inspi, du taps et un peu de hip pour que je m'évade et que mes rimes prennent vie. Les mots, mon arme, à force de frappe, je suis pas monarque, moi je parle mal. Nique le gouvernement, je parle monde pas quand je lâche mon rap. Lève tes mains en l'air, non pas que tu kiffes, mais pour qu'on te braque. Ça me fait mal, j'ai bien trop de peine, non, je rate des 16 en frac. Je suis agressif et moche, mon cœur est triste et mort. C'est vrai qu'on fait ça comme on peut. Et puis bas les couilles de la proc, bombe remplie à l'encre sur des murs criblés de marge. Je raconte ma vie sur des lignes, moi tu peux penser que je suis barge. La vie c'est comme une pute, tu la fais mais ça dure pas. Les mots mes âmes, moi chic mes fers avant que ma plume trépasse. On m'a dit vas-y tire, tire. J'ai pris le mic et j'ai rappé ce que j'ai à dire, dire. Parce que les mots ont plus de poids que les armes. Kamikaze combat. On m'a dit vas-y tire, tire. J'ai pris le mic et j'ai rappé ce que j'ai à dire, dire. Parce que les mots ont plus de poids que les armes. What's my name?